89.1. Bonsoir, amateurs de musique progressive. C'est l'émission Terra Incognita de l'édition du 26 janvier 2013. Il ne faut pas oublier 2013. Petit mois de janvier, très frisquet. Heureusement, ça commence à s'améliorer un petit peu. Vous êtes en compagnie de Bruno et Jean-François pour cette émission de Terra Incognita qui se poursuit jusqu'à minuit. Et bon, on a toutes sortes de choses. On fait un petit peu une revue de l'année, mais on va parler évidemment beaucoup de la convention Terra Incognita. Et ceux qui sont allés sur le site ont vu que le groupe que j'avais reçu à la dernière émission, c'est-à-dire le groupe Edo, a été confirmé. Je pense que ça va être le fun de voir ce groupe-là. Je pense que ça va être un groupe de performance aussi. Il y a aussi T-Club qu'on parle beaucoup. Michel et Marc ont fait jouer des extraits du dernier album de T-Club qui est assez intéressant, en tout cas pour ce qu'on a pu entendre. Et on va faire une petite incursion dans l'album précédent, parce que le premier, disons, qui est peut-être un petit peu moins bon. Disons, c'est un groupe qui a le vent dans les voiles. Et on va entendre un petit peu de Il Castello di Atlante, mais encore là, on va aller fouiller plus loin sur un album, en fait le premier qu'ils ont réalisé, que je trouve vraiment intéressant. Mais on va partir ça assez raide avec David Townshend. Et on va écouter aussi un extrait de Celebration Day. Je pense que c'est l'album de l'année. Ben, en tout cas, un des grands albums de l'année qui était attendu beaucoup, c'est-à-dire la retransmission du spectacle qui a été donné en 2007. Et Led Zeppelin, comme vous le savez, a eu sa période assez progressive avec l'album House of the Holy, et particulièrement avec des pièces comme No Quarter, qu'on va entendre, mais aussi The Rain Song, avec des beaux arrangements de Mellotron. On va entendre aussi, dans un style très symphonique, Quaternaire Requiem, un excellent dernier album qui s'appelle O Architetto. Donc, on commence avec David Townshend et on se retrouve plus tard. We'll be right back. close the door, put on the light. No, there won't be home tonight. Snow falls hard, and don't you know? The winds of thought blow. They're wearing steel, that's why the truth. But you feel the dream for me and you, yeah. Did you the path with no one gone? Steel, that's why the truth. Michael Jones. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Le 15 février prochain, CKRL souligne 40 ans de radio. Animateurs, auditeurs, amis anciens et actuels, venez célébrer avec nous l'anniversaire de CKRL à l'espace Hyperion 190 Saint-Joseph-Est. Dès 17h, une soirée retrouvaille unique où rencontres et bons souvenirs seront au rendez-vous. Service de traiteur sur place, prestation d'Antoine Graton et DJ set dédié. Procurez-vous dès maintenant vos billets au coût de 10$ par PayPal sur notre site ckrl.qc.ca ou à la station au 405 3e avenue, le 40e anniversaire de CKRL. Un événement à ne pas manquer. I think he always knew he would, and you know, he was kind of like a guy who I always think of somebody who's on a train. And you know you have to jump off, but pretty soon the train gets going so fast that you know if you jump off you're gonna die, you know. Hi, this is Robbie Krieger from The Doors. You are listening to CKRL FM 89.1 in Quebec. City of night, city of night, city of night. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bière pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Et nous sommes de retour après un premier bloc assez énergique. Qu'on a terminé quand même avec Quaternaire et Quilliam, histoire de se calmer l'air un petit peu. Et comme je vous disais, Led Zeppelin a eu sa période plus progressive avec cette magnifique pièce-là, No Quarter. Et moi, je vous conseille fortement de visionner le Blu-ray ou le DVD de ce show-là. Les images sont assez extraordinaires. Et on va y aller avec un groupe mexicain qui a été très présent il y a quelques années, mais qui se fait un peu plus rare. C'est le groupe Cast, qui a sorti un disque assez intéressant qui s'appelle Art, que j'avais pas eu l'occasion de mettre en, parce qu'il y a toujours un tas de nouveautés où on a des invités et ça vient pas. Disons que l'occasion se présente pas. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Adduction from the Intro. C'est la pièce d'ouverture de cet album-là, qui a été plutôt bien accueillie. Et dans le courant de l'année, on a parlé aussi beaucoup de Mogador, mais avec son dernier album, qui est plutôt bien accueilli aussi. Mais celui d'avant, All I Am is My Home Making, a été, disons, une révélation aussi. Et la pièce Panique, c'est Michel qui me faisait remarquer jusqu'à quel point cette pièce-là était magnifique. Disons qu'en ce qui me concerne, elle était passée un petit peu inaperçue. Et ça fait un petit bout de temps que je la traîne et ce soir, j'ai décidé de la passer. Et finalement, on va terminer ce bloc-là avec toutes des pièces finalement assez longues. Et celle qu'on va entendre, c'est Cotabel qui s'appelle Adagio Mastoso de son album Concerto for Piano and Electric Ensemble. Et encore une fois, c'est un disque qui a voulu assez symphonique avec un côté musique classique, musique de chambre, je devrais dire, assez prononcé. Donc on y va avec Cast et on revient plus tard. We'll be right back. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Ici Denis Lelièvre. Et Tania Beaumont. À nous deux, nous représentons deux générations d'animateurs passionnés de radio. C'est pourquoi nous animerons ensemble, le 15 février prochain, une émission spéciale pour le 40e anniversaire de CKRL. Dès 15h30, nous recevrons les artisans de l'histoire du 89.1. Revivez avec nous les débuts de cette formidable radio qui, le 15 février 1973, devenait la toute première radio communautaire d'expression francophone. Une émission à ne pas manquer pour lancer les festivités du 40e anniversaire de CKRL. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais au Théâtre de la Bordée, 315 rue Saint-Joseph-Est, à la librairie Pantoute Vieux-Québec, 1100 rue Saint-Jean et Saint-Roch 286 rue Saint-Joseph-Est, et au Centre de yoga de Québec, 1355 3e avenue Limoilou. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous, on ne sait jamais, ça peut être la payant. La Barberie vous propose à chaque troisième dimanche du mois de déguster 4 bières noires de type stout et 4 chocolats pour un prix modique. Curieux, nous sommes allés recueillir des impressions sur place. Vous, madame? Vous, monsieur? Essayons tout le groupe. Renseignez-vous au 52 bières ou à labarberie.com. Waouh! Hey, nous sommes de retour après une belle pièce de Cotabel. Hein. Je pense que c'est une belle réussite. Donc, un album qui s'appelle Concerto for Piano and Electric Ensemble. Et juste avant ça, on avait Mogador, et dont le dernier disque est très fréquentable, mais celui-là, All I Am Is of My Own Making, avec la pièce Panic, je pense que c'est assez intéressant aussi. Et juste avant, c'était Cast. Et comme je vous en ai parlé un peu plus tôt, le groupe T-Club, qui fera partie de la 9e convention Terrain Incognita, prévue les 18 et 19 mai, donc la fin de semaine de la fête des Patriotes ou la fête de la Reine, ou peu importe comme de la façon que vous appelez ça. Donc, T-Club, ce sera, je pense, sa première venue, à Québec, c'est sûr. Parce que c'est quand même un jeune groupe qui en est à son troisième album. Donc on va entendre une pièce qui s'appelle Out of the Oceans, tirée de l'album Rabbit. Et après, on va y aller avec Special Providence. Son album Soul Alert est assez intéressant. On va entendre Asparagus. Et une belle révélation, I and Tau. Un groupe qui est formé de claviériste de Renaissance. Et il nous a sorti un très beau disque avec des longues plages, un disque qui s'appelle Speak. Et disons que ça l'a créé des petits remous, parce que c'est un disque symphonique qui est très très intéressant, avec des petits accents de musique classique et de Genesis aussi. On sent beaucoup l'influence de Genesis dans ce groupe-là. Curieusement, peut-être un petit peu moins de Renaissance. Et puisqu'on parle du groupe Renaissance, bien évidemment, on doute un peu de la pérennité de ce groupe-là à cause des problèmes de santé que Annie Aslam a eu, mais surtout le décès de Michael Dunford qui est arrivé assez subitement au cours de l'automne, au mois d'octobre, si je me souviens bien. Décès malheureux. Nous autres, on avait eu l'occasion de les voir au Nirfest. Ça avait été une belle expérience. Et juste avant ça, si je me souviens bien, c'était en 2010. Il était venu faire une petite visite à Québec. Et c'est assez regrettable. Donc, on y va avec T-Club, Spécial Providence et I and Tau. With a little blow, hide it in the dark. my shoulders and left. Now I'm one of you leading remarkable I'm Speak, speak me my name. Tell me the secret, that which you hold so close to you. All that is true, it goes without saying. Where is the light when so much darkness surrounds me? How can I continue? Show me the path, the way to your garden. Everything to know without knowing, that there is sense when so much nonsense surrounds me. In all that I have been through, let me introduce myself. Same as tall as all the Amazons, racing down their autobahns faster than the speed.

L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Les productions La Petite Pomme présentent David Myers Plays Genesis le 13 février prochain au Centre d'art La Chapelle. David Myers réarrange et interprète au piano les compositions du groupe Genesis. Laissez-vous emporter par le piano, les projections vidéo et les éclairages conceptuels. David Myers, au Centre d'art La Chapelle, 620 Avenue Plante, le 13 février à 20h. Billets en vente sur le réseau Billettech ou à la billetterie du Centre d'art La Chapelle au 88 686 5032. Informations sur centredartlachapelle.com. J'aime faire du parachute. Et pendant la chute libre, je profite du moment pour m'ouvrir une bonne barberie. Barberie! La Barberie, une bière qui descend bien. Et nous sommes de retour et disons que le dernier bloc s'est fait quand même assez en douceur avec High and Tall qui écoute vraiment très bien. Je trouve que c'est un disque qui s'assimile peut-être, je dirais lentement. La première fois que je l'ai entendu, il me semble que je trouvais pas ça très accrocheur. Mais là, on écoutait ça, puis c'est plein d'atmosphère à la Wind and Watering. Vraiment, là, on sent un peu l'influence de Genesis de cette époque-là, là-dedans. Et c'est très, très bon. C'est constitué de quatre longues pièces et d'une beaucoup plus courte à la fin, avec Steve Hogard, le chanteur de Marillion, qui vient prêter main-forte à notre monsieur de High and Tall. Et juste avant ça, c'était Spécial Providence avec Asparagus. Et juste avant, on avait commencé avec The Tea Club. Et un des coups de cœur sûrement de l'année 2012, parce qu'on l'a découvert en 2012, c'est Gösta Berling Saga, le groupe de Suède, le petit frère, si on peut dire, dans de la gare, parce qu'il bénéficie de l'aide principalement de... Du batteur dans de la gare. Et cet album-là, Glue Works, est vraiment excellent. Et ça nous a permis aussi de découvrir les albums qu'il y avait juste avant. On va entendre la pièce 3-5-4. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Et bon, il y a Pet qui sera au Cabaret du Capitole le 21 avril en compagnie de Catatonia. C'est un groupe que j'avais mis lors d'une des dernières émissions. Je pense qu'on va faire un beau duo, mais un duo, je ne sais pas, en fait, on ne sait pas toujours à quoi s'en tenir avec eux autres. Des fois, ils nous font des pièces vraiment douces, comme sur Damnation, ou encore Héritage, qui généralement est assez doux. Mais en spectacle, ça peut être assez fort aussi. Plutôt que de mettre une pièce d'Héritage, qu'on a quand même assez bien entendu, on va aller beaucoup plus loin sur l'album Still Life, qui date de quand même assez longtemps, là, autour de 1999, si je me souviens bien. Et la pièce qu'on va entendre, c'est une vieille pièce qui s'appelle Face of Melinda. Et on va y aller aussi avec une pièce d'un vieil album d'Il Castello di Atlante, qui sera aussi de la convention Terra Incognita 2013. Pièce qu'on va entendre, ça s'appelle La Foresta dietro il Muluno di Johan. sacrifice always. That hollow love in her door. Quel vecchio vento del nord comincia a soffiare gelido tra gli scheletri della foresta e a dar vita alle pale del tuo mulino. Tu accosti le mani alla bocca. Io gridi e urli e cerchi risposta, nessuno ti ode, solo lo spirito della foresta ride. I suoi tentacoli in te, allora tu puoi solo chiudere gli occhi e ritardare un poco la realtà, rifugiarti nel corpo della quercia spettata. Thank you. Et c'était le violon magnifique de Il Castello di Atlante qu'on aura l'occasion de voir à la convention Terra Incognita 2013. Et je pense que ça va être merveilleux. Et juste avant, c'était précédé d'Opet, tiré de Still Life, un vieil album de la formation. Et on avait commencé avec Gösta Berling Saga. Il me reste très peu de temps, juste le temps d'annoncer la prochaine pièce, qui est un extrait de Morse Code, Je suis le temps, qui n'est pas nécessairement leur meilleur album, mais on sent les années 80 qui commençaient à poindre. Et disons qu'il y a des rythmes qui sont un petit peu funky et même parfois frôlent le disco. Mais la pièce qu'on va entendre, je pense que c'est quand même intéressant, ça s'appelle Chevalier d'un règne. Donc, merci à Bruno pour les mix toujours bien à point. Et c'était Jean-François à l'animation. Restez à l'écoute pour l'autoroute avec Vincent et Jacques. Et là-dessus, je vous dis une bonne semaine. Thank you.